franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire du best-seller des temps maudits du XXe siècle, Mein Kampf. Depuis le 8 mai 1945 et la capitulation allemande, le nazisme et son chef, Hitler, sont encore dans les esprits, comme si c'était hier. La Seconde Guerre mondiale est sans doute la période de notre histoire la plus commentée, disséquée, mise en image. Pas un mois sans qu'on annonce la sortie d'un nouveau livre ou la diffusion d'un documentaire sur Hitler, les SS, la Shoah, le Front de l'Est, la collaboration. Lire, regarder, entendre, pour comprendre, sans s'égarer. Car aujourd'hui encore, Hitler fascine, captive et interroge. Que ne sait-on pas sur sa vie, ses folies, ses amours, ses peurs? En avril 2016, un passionné d'histoire a publié un ouvrage qui revient jour après jour sur l'emploi du temps, les trajets et les rencontres du Führer de sa naissance jusqu'à sa mort. Comme si, dans ces journées collectées et rassemblées, nous pouvions retrouver le moment où tout a basculé. L'imaginaire collectif, en phase avec la réalité historique, a fait d'Hitler le mal absolu, et son livre, Mein Kampf, programmatique et biographique, rassemble toutes les peurs rattachées à cet homme. Depuis sa mort, cet ouvrage avait disparu des devantures des librairies allemandes. Mais depuis le 8 janvier 2016, donc de cette année, Mein Kampf est réapparu dans une version intégrale et commentée. L'ouvrage fait débat, mais connaît un véritable succès dans les librairies d'Outre-Rhin. Pourtant, Mein Kampf n'a jamais vraiment disparu. Dans le monde entier, des versions plus ou moins fidèles au texte original se vendent, partout, dans les librairies ou sur le net. En quelques clics, vous pouvez récupérer le texte. Et pourquoi? Parce que la question s'impose, l'ouvrage est mauvais, mal écrit, embourbé dans une instabilité grammaticale, imbibé de haine contre les Juifs, les Soviétiques, les Français. Mais de quoi Mein Kampf et son succès sont-ils le nom? Le reflet d'un homme ou la chute d'une société vers l'impensable? Sans ce livre, la guerre aurait-elle eu lieu? Le caporal putschiste serait-il devenu chancelier? Et aujourd'hui, que risque-t-on à se replonger dans ces pages? Voilà, en seconde partie d'émission, nous recevrons l'historien Christian Ingrao, ancien directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Il a pris parti pendant l'automne 2015 en faveur d'une publication de Mein Kampf. En France, une publication commentée. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Léa Dupuy-Henquin et Lucille Valéry, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Philippe Pierrard, Aurélien Labruyère et Jacques Sigal, réalisation Fabrice L'Aigle, à la technique aujourd'hui Philippe Duclos. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Hermann Wilhelm Göring. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne, November 1945, Nuremberg. Geoffrey Lawrence, Lord Justice, déclare ouvert le plus grand procès du siècle, celui de 24 hommes, principaux responsables nazis jugés pour crimes contre la paix, crimes de guerre et pour la première fois pour crimes contre l'humanité. C'est à Nuremberg, dans les ruines de l'Allemagne et de son Troisième Reich, que les trois puissances victorieuses, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS, ainsi que la France, ont organisé ce procès. Pendant des années, Nuremberg a été le décor du nazisme triomphant, exalté. C'était la ville des meetings monstres, où le Führer pouvait parler pendant des heures devant une nuée de sympathisants en transe, de soldats admiratifs et de caméras pour immortaliser l'événement. C'était la ville des congrès du Parti National Socialiste, où en 1935 ont été adoptées les lois dites de Nuremberg, qui décrètent la persécution des Juifs d'Allemagne. À partir du 20 novembre 1945, ce même nom, Nuremberg, devient le symbole de la chute du régime et du jugement de ses crimes. À l'intérieur du palais de justice, plus de 400 journalistes de la presse internationale sont présents, ainsi que donc multiples caméras. Durant ce procès, l'image est omniprésente. Elle devient preuve d'un monde entraîné vers l'abîme. C'est ainsi que 9 jours après l'ouverture du procès, on projette un montage de films réalisé lors de l'ouverture des camps par les alliés. Et bien sûr, c'est le choc. Il y a les films donc, les photos, les témoignages, mais aussi les écrits, preuve parmi d'autres de l'organisation et de l'accomplissement des crimes nazis. Parmi ces documents, un livre est maintes fois cité, rappelé au souvenir des accusés, comme ce 8 janvier 1936, quand Elwin Jones, substitut du procureur britannique, prend la parole. Je veux attirer l'attention du tribunal sur un document qui est devenu la profession de foi des accusés. Je veux parler de Mein Kampf d'Adolf Hitler. Ce livre donna aux accusés une connaissance préalable suffisante des buts illégaux du chef nazi au regard des chefs d'accusation. On peut considérer Mein Kampf comme l'esquisse de l'agression nazie. Sa teneur et son contenu tout entier appuient la thèse du ministère public selon laquelle la poursuite par les nazis de desseins agressifs ne fut pas un simple accident consécutif à la situation politique immédiate telle qu'elle se présenta en Europe et dans le monde durant la période où les nazis détinrent le pouvoir. Mein Kampf établit sans équivoque que l'utilisation de la guerre d'agression pour servir leur but en politique étrangère faisait partie du credo nazi. Depuis l'ascension d'Hitler au pouvoir, Mein Kampf a été la bible des nazis qu'on lisait lors des réunions du parti, que les mairies offraient aux mariés qu'on plaçait en évidence sur les bibliothèques des salons ou qu'on examinait au sein des états-majors occidentaux. Pour ce jeune substitut du procureur britannique qui a vécu longtemps en Allemagne durant les années 30, Mein Kampf est bien plus qu'un livre. Les événements ont prouvé dans le sang et la misère de millions d'hommes, de femmes et d'enfants que Mein Kampf n'était pas un exercice littéraire susceptible d'être traité avec légèreté et indifférence comme il le fut malheureusement. Le 1er octobre 1946, après plus de 400 audiences et une année de débat, le verdict de Nuremberg tombe. 7 peines de prison, 3 acquittements, 12 condamnations à mort par pendaison. Le dernier acte de la Seconde Guerre mondiale vient de se jouer. Hitler est mort, tout comme son régime et ses fidèles les plus importants, encore vivants, eux, sont derrière les barreaux. Les camps ont été libérés, l'Allemagne est occupée, les alliés célébrés. Mais dans ces ruines, le fantôme du Führer plane encore dans les têtes des Allemands et des alliés. Alors, pour éviter que la bête immonde ne ressurgisse, une commission interalliée interdit Mein Kampf dès octobre 1945 et le bannit de l'espace public. Dans les administrations et les bibliothèques, l'ouvrage est sorti des rayonnages et enfermé dans des Giftkammern, les chambres des poisons. Dans les maisons allemandes, on hésite à prendre entre ses mains cette relique des temps maudits. Alors, doit-on le brûler pour éviter d'être contaminé ou le cacher soigneusement au cas où les nazis reviendraient ? En Allemagne, durant des années, on a enseveli Mein Kampf dans les mémoires, refusant presque de prononcer ne serait-ce que son nom. C'est le Land de Bavière, dont était originaire Hitler, qui a la lourde tâche d'assumer le destin du livre et surtout son oubli. 70 ans après la mort du monstre, son livre est tombé dans le domaine public. Alors, peut-il encore enflammer les esprits ? Quelle fut la vie d'Hitler après sa mort ? Ce n'est pas un hasard. Si le Führer, alors qu'il traversait la phase la plus dure de sa vie, puisqu'il était derrière les barreaux et ne pouvait observer et influencer que de loin les événements de son temps, a pris la plume. Et aujourd'hui, pour nous, cela tient presque du miracle que ce livre, écrit par un homme seul, sur la petite table de sa cellule, soit devenu le plus grand succès de librairie de tous les temps. Quelle fut la vie de Mein Kampf après la mort de son auteur ? Vous venez d'en entendre un élément de réponse. En 1938, quand Joseph Goebbels, ministre du Reich à l'éducation du peuple et à la propagande, s'exprime, Mein Kampf est le best-seller en Allemagne, le symptôme d'un pays qui tombe dans les bras d'un homme petit qui rêve d'être grand, d'origine autrichienne, caporal de la Première Guerre, boule de haine, putschiste devenu chancelier, qui mènera l'Allemagne à sa perte. Les Allemands découvrent Hitler le 9 novembre 1923, lorsqu'il tente un coup d'État. Un putsch manqué qui lui vaut d'être arrêté, puis embastillé dans la prison de Landsberg, où il attend son procès. L'incarcération est agréable, oui, Hitler vit dans une cellule spacieuse dont la fenêtre donne sur la campagne. Il rencontre ses fidèles dans la salle à manger, reçoit au parloir 2 fois par jour, en moyenne. Dans un premier temps, il se met à écrire pour préparer son procès, faire une mise au point, selon ses déclarations. Des bienfaiteurs lui offrent alors une machine à écrire, une Remington, ainsi que du matériel de papeterie, crayon, gomme et papier carbone. Alors, jour et nuit, Hitler lit, note, dicte ou tape à la machine. Le matin souvent, il relit à haute voix ses pages devant des fidèles qui l'encensent. Seul son procès l'arrête dans cette tâche. Le 1er avril 1924, il est condamné à 5 ans de prison pour haute trahison. Son incarcération durera au final moins d'un an. Le 20 décembre 1924, grâce au soutien du directeur de la prison, la justice accorde une libération anticipée aux putschistes. Âgé de 35 ans, Hitler sort de Landsberg, les valises remplies de feuilles de notes et du premier tapuscrit. D'abord intitulé « 4 années et demie de combat contre les mensonges, la sottise et la lâcheté », c'est la maison d'édition R. Verlag qui le pousse à trouver un nom plus court. Et le 18 juillet 1925, Mein Kampf débarque dans les rayons des librairies. Hitler prend goût à l'écriture et entame un second livre, une suite où il souhaite aborder plus en profondeur la question politique, l'histoire de son mouvement, son engagement et les mesures dont il souhaite la mise en place. Ce second volume sort en décembre 1926. 4 ans plus tard, l'éditeur rassemble les deux ouvrages dans un livre de 37 chapitres et 782 pages. Il se vend correctement, comme bon nombre d'essais politiques racistes de l'époque, sans pourtant attirer les foules. Il faut attendre les victoires du Parti National Socialiste aux élections législatives de 1933 pour que les ventes décollent. Les victoires s'accumulent et Mein Kampf devient un livre à la mode qui fait la fortune de son auteur. À chaque vente, celui-ci touche 10% du prix, puis 15% à partir de 1933. Cette année-là, le 30 janvier, Hitler devient chancelier. Le 5 mars, le parti nazi obtient plus de 40% des suffrages. Le 23, on octroie à Hitler les pleins pouvoirs. Le 7 avril, les premières lois raciales excluent les juifs de la fonction publique. Mein Kampf, lui, atteint le million d'exemplaires vendus et entame son voyage à travers le monde. La maison d'édition R. Verlag vend les droits de traduction à 14 pays, dont l'Espagne, la Chine, le Japon, le Brésil. Un an plus tard, en 1934, le livre est publié aux États-Unis et en Grande-Bretagne sous le titre « My Battle », traduction fidèle de « Mein Kampf »,« Mon combat ». Parmi les lecteurs de l'ouvrage, un certain Winston Churchill, parlementaire britannique, ancien ministre de l'Intérieur et des Finances. Dans ses mémoires, il en parle ainsi. « Hitler parvenu au pouvoir, il y a peu de livres qui méritaient autant d'être attentivement étudiés par les dirigeants, les hommes politiques et les militaires des puissances alliées. Tout était là. La thèse principale de Mein Kampf est simple. L'homme est un animal de combat, par conséquent, la nation n'est pas autre chose qu'une communauté de combattants. Un pays ou une race qui cesse de combattre sont menacés d'extinction. Seule la violence brute peut assurer la survie de la race. » En France, en revanche, aucune trace de livre dans les librairies. Et pour cause, ce pays est le pays le plus cité, le plus attaqué dans Mein Kampf. La maison d'édition allemande refuse pour l'heure toute traduction. Pourtant, au printemps 1934, Mon combat sort de presse. Sur la couverture, un bandeau d'accroche est signé du général Lyoté, ancien ministre de la guerre, qui écrit « Tout Français doit lire ce livre ». Cette édition clandestine et illégale de Mein Kampf en français est l'œuvre d'une alliance de circonstances entre la maison des nouvelles éditions latines, fondée par Fernand Sorlot, proche des mouvements fascistes français de l'époque, et la LICA, Ligue internationale contre l'antisémitisme. Sorlot le fait par patriotisme, dit-il, pour informer de la menace que constitue pour la France l'arrivée d'Hitler au pouvoir. La LICA, elle, souhaite informer l'opinion des propos et des mesures du nouveau chef de l'État allemand contre la communauté juive. Le livre est publié et envoyé à toute l'élite française, parlementaires, ministres, journalistes, avocats, magistrats, militaires. Outre-Rhin, dès l'annonce de cette publication, Hitler porte plainte. Un procès a lieu, les nouvelles éditions latines sont condamnées à 1 franc symbolique de dommages et intérêts et doivent détruire leur stock. En cas de nouvelle vente, l'éditeur se soumet à une amende de 100 francs par infraction constatée. Malgré ce procès et sa non-publication en France, Mein Kampf est un livre lu et débattu par les journalistes, les écrivains, les critiques. Le 1er décembre 1934, André Suarez, l'un des fondateurs de la Nouvelle Revue Française, en publie une critique lucide et sans équivoque. Sa cellule est tout un peuple. Il a l'écho de 60 millions d'hommes. Loin d'être enchaîné, c'est lui qui est le maître absolu de leur liberté. À l'étranger, il est à peine croyable qu'on doute de sa malfaisance et qu'Hitler trouve encore une excuse. On feint de croire que l'homme de Mein Kampf n'est pas celui qui règne sur l'Allemagne désormais. On soutient qu'en 10 ans, il a dû changer et n'être plus si sauvage. Quel aveuglement! Dans ce livre, il y a tous les crimes d'Hitler commis cette année et tous ceux qu'il pourra commettre encore. Ils y sont, il les annonce et même il s'en vante plus qu'il ne les avoue. Il dit, en termes choisis, qu'il faut mettre le feu au Reichstag et il l'a fait. Et vous cherchez encore l'incendiaire, le coupable? Que faut-il de plus que ce livre? Il confesse les intentions, tout y est et tout y aura été, quoi que cet homme fasse. Il serait bon que tous les Français le connaissent et on les empêche de le lire. En 1938, avec l'accord allemand, Fayard publie une version française officielle et expurgée de Mein Kampf sous le titre « Ma doctrine ». Démystifier les mots et les haines du chancelier, voilà l'objectif de cette publication. C'est aussi celui de l'entretien exclusif qu'on peut lire dans le quotidien Paris Midi où Bertrand de Jouvenel interroge Hitler sur les colères que provoque son livre. Le chancelier rappelle le contexte, la période de sa vie où il l'a écrit. A-t-il des rectifications à faire au propos de la France ? Ma rectification, répond le chancelier, mais je la porte tous les jours dans ma politique étrangère, toute tendue vers l'amitié avec la France. Si je réussis le rapprochement franco-allemand comme je le veux, ça, ce sera une rectification digne de moi. Ma rectification, je l'écrirai dans le grand livre de l'histoire. Pourtant, en cette année 1938, 2 ans après les Jeux Olympiques de Berlin, l'odeur de poudre ne s'évapore pas en Europe. Le 13 mars 1938, Hitler envahit l'Autriche de Grande-Bretagne. Winston Churchill écrit ces mots. L'agression a eu lieu. Hitler, suivant exactement le processus exposé dans Mein Kampf, a rompu les liens de bonne foi qu'il attachait aux hommes d'État britanniques et français et qui avaient essayé si fort de croire en sa parole. Le 30 septembre 1938, lors des accords de Munich, Français et Britanniques abandonnent la Tchécoslovaquie en échange de la paix. Jeu de dupes. Un an plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne. Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à Hitler. Les rêves exposés dans Mein Kampf prennent forme et il devient le livre de chevet de tous les chefs alliés. Voir le monstre, bien le voir pour mieux le combattre. Le général de Gaulle l'a lu ce livre dès les années 30 et invite désormais ses compagnons de la France libre à faire de même. Selon Henri d'Astier de la Vigerie, les hommes de Londres en auraient même commandé auprès de Fernand Sorlot. En 1943, le Comité français de libération posté à Alger en publie une édition intégrale. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Américain Roosevelt le lit également et la note. Dès l'entrée dans le conflit des États-Unis, Mein Kampf devient même l'un des thèmes d'attaque de la propagande américaine, comme dans ce film où un pasteur noir lit un extrait du livre du dictateur allemand. Les Allemands disent que c'est la Bible nazie, l'Évangile selon Hitler. Je ne vais pas tout vous lire, mais une chose ou deux dans ce livre vont vous intéresser. Je cite. De temps en temps, les journaux illustrés montrent comment un nègre est devenu avocat, maître d'école, voire pasteur. Il n'apparaît pas à l'Amérique dégénérée que cela est vraiment un péché contre la raison, une folie criminelle que d'entraîner quelqu'un qui est né demi-chimpanzé à croire qu'on a fait de lui un avocat. Ce livre a été écrit il y a 20 ans. Le plan qui y fut préparé est devenu réalité. Deux ans après ce film, en avril 1945, les soldats américains, armes et caméras au point, arrivent dans la ville de Landsberg et découvrent la cellule où Hitler a vécu pendant plusieurs mois. Une petite table en bois, une machine à écrire et un exemplaire de Mein Kampf rappellent aux visiteurs que c'est ici que le livre est né, ici que l'histoire du Führer et les catastrophes qu'il a engendrées se sont esquissées. Quelques jours plus tard, enfermé dans son bunker, Hitler se suicide. L'Allemagne capitule le 8 mai. 12 millions d'exemplaires allemands de Mein Kampf sont alors cachés, détruits ou enfermés. Mein Kampf est-il un poison dont l'oubli serait le seul antidote ? Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris, auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Soir. Procès d'une autre époque, mais peut-être d'une réalité brûlante. C'était cet après-midi au Palais de Justice de Paris, la mise en accusation d'une réédition du livre d'Hitler, Mein Kampf, la Bible du nazisme. La Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA, par la voix de Maître Badinter, s'est élevée contre la réédition de ce livre, à un moment, a-t-il dit, où le néofascisme fleurit à nouveau un peu partout en Europe. L'avocat de la LICA a expliqué à Alain Ménargue qu'on ne pouvait pas dissocier Mein Kampf d'un génocide de 6 millions de juifs et que la réédition de l'ouvrage devrait en tenir compte. Il ne peut pas être question d'interdire la publication de Mein Kampf. Mein Kampf appartient à l'histoire, et à l'histoire la plus tragique. Mais ce qui est important, c'est que la lecture de Mein Kampf soit nécessairement précédée des éléments qui permettent, en particulier aux jeunes générations, d'apprécier les conséquences du livre. Et par conséquent, ce que nous demandons, c'est que l'ouvrage soit nécessairement précédé de documents historiques incontestables, par exemple certaines parties du jugement de Nuremberg, qui montrent que c'est à partir de l'inspiration de Mein Kampf qu'a été réalisé le génocide juif. « 22 juin 1978, tribunal de Versailles. 40 ans après le procès intenté par Hitler contre la publication clandestine des nouvelles éditions latines, Mein Kampf est de nouveau sur le banc des accusés. Dès le lendemain de la guerre, après avoir sauvé sa tête pour fait de collaboration, Fernand Sorlot vend de nouveau l'ouvrage du Führer. L'entreprise achète, le distribue aux librairies et grands magasins et permet ainsi d'en vendre près de 2000 par an. Mais en 1978, un habitant de Thionville qui découvre le livre en vente au supermarché décide de porter plainte contre l'éditeur pour incitation à la discrimination, à la haine et à la violence, à l'encontre notamment des Juifs. Anciens alliés de circonstances pour alerter l'opinion et les dirigeants des risques de l'arrivée de Hitler à la chancellerie, c'est désormais comme adversaire, dans un palais de justice, que la maison des nouvelles éditions latines et la LICA, ancêtre de la LICRA, se font face. Les avocats de l'association, dont Robert Badinter, mettent en avant pendant l'audience et dans la presse les risques que comporte la publication d'un tel livre aujourd'hui, sans recul, sans notes, sans précaution. Et le tribunal leur donne raison. L'éditeur Fernand Sorlot est condamné à verser 80 000 francs de dommages et intérêts contraints insérés dans chaque exemplaire, un avertissement reprenant le texte de la loi du 1er juillet 1972 sur l'incitation à la haine raciale, ainsi que des extraits du jugement de Nuremberg. Un an plus tard, en juillet 1979, la Cour d'appel de Paris confirme la condamnation et réduit la somme des dommages et intérêts à 30 000 francs. Condamnés, les nouvelles éditions latines sont désormais, de fait, autorisées à publier et vendre légalement Mein Kampf. La France n'est pas un cas isolé. Si en Allemagne, sa mise en vente est interdite et la diffusion d'extraits contrôlés par l'État de Bavière, dépositaire des droits d'auteur de l'ouvrage, il est impossible d'en interdire la publication à l'étranger. C'est ainsi qu'on retrouve Mein Kampf dès les lendemains de la guerre et jusqu'à aujourd'hui en libre circulation au Mexique, en Italie, en Espagne, au Brésil, en Grèce, au Japon, par exemple. En 2008, la publication en version manga a été vendue en un an à plus de 45 000 exemplaires. En Inde, entre 2003 et 2010, Yako International, éditeur en charge de la vente du livre, publié dans de nombreuses langues, revendique l'écoulement de 100 000 exemplaires. Dans le monde arabe, enfin, les idées nationalistes et antisémites du livre trouvent aussi écho parmi une partie de la population d'Alger à Beyrouth et de Tunis à Bagdad. En 2005, en Turquie, la publication d'ouvrage sous le titre Kafgam est vendue à 80 000 exemplaires. Voilà, Mein Kampf n'est pas mort, il est bien là, parmi nous, dans nos librairies et sur Internet, qui depuis contribue aussi au succès planétaire du livre d'Hitler. C'est évidemment en Allemagne, terre où le livre a vu le jour, que les débats sur son histoire et sa survie sont les plus vifs. Il faut attendre 1974, par exemple, pour que l'État de Bavière autorise un ouvrage grand public à comporter de larges citations de Mein Kampf. Les années passent, l'interdiction du livre se poursuit avec son lot de polémiques et controverses à la suite d'une publication, d'un discours ou d'un spectacle où Mein Kampf est cité. En 2012, avant que l'œuvre ne tombe dans le domaine public, pour la première fois et par la voix du ministre des Finances de l'État de Bavière, Markus Söder, le gouvernement bavarois annonce la publication d'une version intégrale et commentée de l'ouvrage. L'objectif est de démystifier le livre. Certains croient que cet ouvrage paranoïaque présente un intérêt particulier. C'est pourquoi on doit bien faire comprendre ce qu'il en est exactement, quelles idées brutales il contient, mais aussi quels liens insensés il établit. Il faut l'expliquer aux jeunes. C'est l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich, principal centre de recherche allemand sur le nazisme, qui a entamé ce travail dès 2009 sous la houlette de l'historien Christian Hartmann. L'objectif de cette publication est d'accompagner le texte original de commentaires et notes destinés à le contextualiser et à apposer à chaque information et affirmation d'Hitler des connaissances et des contradictions. Dans ce travail, l'État de Bavière est un partenaire financier et institutionnel qui, au fil des mois et des controverses autour de cette publication prochaine, change d'avis. En décembre 2013, à la suite d'un voyage en Israël où le ministre-président est interpellé sur cette publication, l'État de Bavière annonce la fin de sa collaboration avec l'Institut, comme le raconte Ludwig Spenl, ministre de l'éducation du Land bavarois, dans le documentaire Mein Kampf, Manifeste de la haine, de Manfred Oldenburg, diffusé sur Arte en 2015. Au cours des colloques en Israël et dans le cadre du voyage du ministre-président bavarois auquel j'ai participé, il est apparu que pour les associations de victimes, pour l'ensemble de la communauté juive, mais aussi pour l'État d'Israël et ses représentants, il était absolument intolérable de trouver une telle édition critique avec les armoiries de l'État, c'est-à-dire une commande publique du gouvernement de Bavière. En plus de son retrait, l'État de Bavière menace de procédures judiciaires quiconque mettrait en œuvre la publication de Mein Kampf, même après l'expiration des droits d'auteur, prétextant l'incitation à la haine. Malgré la menace, les historiens de l'Institut poursuivent leur travail. En France aussi, à l'image de l'initiative allemande, la maison d'édition Fayard annonce le 12 octobre 2015 qu'elle s'apprête à publier Mein Kampf dans une nouvelle traduction accompagnée d'un appareil critique établi par un comité scientifique d'historiens français et étrangers. Dès cette annonce, comme en Allemagne, des voix s'élèvent pour ou contre cette publication. C'est la lettre ouverte à Fayard de Jean-Luc Mélenchon, où l'ancien candidat à l'élection présidentielle se prononce contre la republication de Mein Kampf qui obtient le plus d'écho. Il s'en explique, notamment devant les caméras de la chaîne Itélé. Combien de gens sont morts, ont souffert le martyr du fait du nazisme. Donc j'estime que publier ce livre est une offense à leur mémoire. Quant à dire qu'il y a un appareil critique, vous savez très bien que c'est la mauvaise foi absolue. L'appareil critique, il est fourni par les faits eux-mêmes. Je les ai nommés tout à l'heure et j'ai dit le nombre de morts qui fournissent l'appareil critique. Alors, j'estime qu'en fait, en réalité, on édite Mein Kampf pour vendre du papier, parce que dans les pays où Mein Kampf a été édité, il a fait un tabac de curiosité malsaine, de voyeurisme, et je pense que ça n'est pas quelque chose de souhaitable, ni même de moralement acceptable. Maintenant, j'estime que, bon, certains pensent que la morale n'a rien à faire dans cette affaire, moi si. Polémiques, tribunes et débats Mein Kampf refait la une. L'historienne Arnette Wiervorka est aussi contre cette publication, pointant la puissance de l'imaginaire que porte le livre. C'est un mythe, selon elle, un élément de culte, et le culte n'obéit pas à la raison. On ne peut pas prétendre le déminer uniquement par la science. D'autres historiens et intellectuels refusent cette crainte et mettent en avant l'existence de ce livre partout dans le monde, bien avant l'annonce de ses nouvelles publications. Oui, Mein Kampf est accessible partout, sans commentaires, dans des traductions différentes, parfois fausses, qui accentuent encore la force de ce livre à survivre au temps. Mein Kampf est un mauvais livre, un mélange de romans biographiques, de programmes politiques mal écrits, indigestes, remplis de dérapages syntaxiques, d'éructations et d'invectives, qui rendent certaines pages indescriptibles. C'est le miroir d'un homme, d'une folie, celle de l'obsession de la race, de la haine de l'autre, dont les juifs. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, le livre d'une époque, d'un contexte et d'un Allemand de l'après-première guerre mondiale qui n'est pas toute l'Allemagne, mais qui va lui imposer sa loi. Le 8 janvier 2016, la version allemande et commentée de l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich sort donc en librairie. En quelques semaines, Mein Kampf devient l'un des essais les plus vendus outre-Rhin. Commenté ou non, il fascine toujours autant en Allemagne comme ailleurs. Comme si, en le possédant ou en le lisant, nous tenions entre nos mains le coupable de ces années où l'on extermina juifs et tziganes d'Europe au nom d'une hiérarchie des races. Mein Kampf est-il le coupable ou le simple reflet d'une société, d'une période qui n'ont pas su éviter le drame ? Moustache, postiche, petite fèche, loustique, œil vache, bouche sèche, moche, riche, louche, speech. J'entends des voix off qui me disent tu peux à la catastrophe. Mais je me débof. Tout ça, c'est du bluff. Mais j'entends des voix off qui me disent tu peux à la catastrophe. Mais je me débof. Tout ça, c'est du bluff. Vieux schnock, pauvre cloche, petit schmock, faux derche, grosse miche, pauvre cruche, peau de druche d'autriche. J'entends des voix off qui me disent Adolf, tu qu'à la catastrophe. Mais je me débof. Tout ça c'est du bluff. Mais j'entends des voix off qui me disent Adolf, tu qu'à la catastrophe. Mais je me débof. Tout ça c'est du bluff. Vache type louche, grosse vache de basse souche, pomme frites, sale chleu, bouche verte, Jérôme Bosch. J'entends des voix qui me disent Adolf, tu gueules à la catastrophe. Mais je me débof. Tout ça c'est des bluffs. Mais j'entends des voix qui me disent Adolf, tu gueules à la catastrophe. Mais je me débof. Tout ça c'est des bluffs. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Mein Kampf, et nous allons donner la parole à notre invité Christian Inrau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes chargé de recherche au CNRS, ancien directeur de l'Institut du Temps Présent, auteur de plusieurs ouvrages sur le nazisme, je vais en citer un, Le nazisme et la guerre. Vous avez également participé au documentaire de William Carell et Blanche Finger, intitulé « Jusqu'au dernier, la destruction des Juifs d'Europe ». Et puis, le 25 octobre 2015, vous avez publié une tribune en réponse à celle de Jean-Luc Mélenchon, et la tribune intitulée « Il est nécessaire de republier Mein Kampf ». Alors, on va voir pourquoi il est nécessaire, ça va être la partie actualité de notre entretien. Je voudrais qu'on commence par l'histoire, et tout simplement nous dire... On va nous dire ce qu'il y a dans ce livre, que personnellement je n'ai pas lu. Moi j'ai lu beaucoup d'extraits pour la préparation de l'émission, mais je n'ai pas lu ce livre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre finalement? On peut commencer par là, tout simplement. Ce qu'il y a dans ce livre, vous l'avez très bien résumé dans le remarquable travail que vous avez fait en première partie d'émission. Il y a à la fois une sorte de roman d'éducation et d'initiation d'un jeune Autrichien mal dans sa peau qui émigre à Munich. Il y a donc ce roman d'initiation. Il y a un homme qui exprime ses idées sur tout et presque n'importe quoi. Et en deuxième partie, dans ce deuxième volume du livre, il y a le programme d'un parti politique. Alors, les ennemis, la France, les Juifs. C'est les deux principaux ennemis dans ce livre-là. La France, les Juifs, les Chinois, les Noirs. Ouais. C'est aussi un livre des circonstances. Pourquoi la France ? Ben, tout simplement parce qu'on est en 1923-1924 quand il l'écrit et que la France a pris pied sur le territoire allemand par l'invasion de la Rhénanie. Elle l'a fait en plus en utilisant des troupes coloniales. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup apparaître les Noirs. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce d'injection de présent dans le livre qui est censé donner une espèce d'acuité à la pensée d'Hitler. On est quand même avec un livre qui est écrit par quelqu'un qui manipule d'abord les fantasmes. C'est un livre rempli de fantasmes, notamment le fantasme de la France. Quand il dit, je me souviens de cet extrait, que la France est l'ennemi absolu parce que la France a quasiment dans ses gènes la volonté de d'occuper l'Allemagne. Alors, la France est Erbfeind, disent-ils. Erbfeind, ça veut dire l'ennemi héréditaire véritablement. Alors, vous savez que le nazisme, c'est la grande force du nazisme, c'est son déterminisme racial. Et effectivement, chez Hitler, on voit très bien cette formulation. Il n'est pas le seul à ce moment-là. Si vous prenez quelqu'un qui deviendra le numéro 2 de la Gestapo de l'époque, qui s'appelle Werner Best, il explique exactement au même moment que l'Allemagne fait face à un ambitieux plan français d'extermination par l'invasion de la Ruhr. Et donc, si vous voulez, en effet, on voit très bien apparaître à la fois les fantasmes d'Hitler, les fantasmes de ce milieu dans lequel il évolue, qui est le milieu ethno-nationaliste, völkisch, dans lequel il est en train de s'individualiser, et dans le même temps, évidemment, vous avez quelque chose qui est extrêmement socialisé. Hitler est une sorte de miroir, quand même, malgré tout, de ce milieu d'extrême droite. Enfin, fantasme qui tient lieu d'idées et de programmes, d'où la catastrophe. On va profiter de cette émission peut-être pour casser une idée répandue. Est-ce qu'on peut tracer une ligne entre les camps d'extermination et certains passages de Mein Kampf ? Autrement dit, est-ce que la catastrophe était écrite dans ces pages, sur les lignes ou entre les lignes ? Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse pas que casser l'image, mais qu'on l'historicise. Ça serait encore plus intéressant. Hein ? Et ce qui était intéressant dans votre documentaire, c'est que vous avez déjà fait un grand pas pour le faire. C'est-à-dire que vous nous avez ramené à 1945 et 1946 à Nuremberg, où se joue quelque chose qui est extrêmement important. Les juges qui sont en train de juger Nuremberg sont des enfants de la Première Guerre mondiale, et l'une des choses qui joue chez eux, c'est qu'il faut qu'ils attribuent à l'Allemagne la responsabilité de ce second conflit. D'où le premier chef d'accusation, qui est celui de complot contre la paix. L'Allemagne aurait prévu de longue date cette Seconde Guerre mondiale. Or, ça ne résiste pas aux faits, ça ne résiste pas à l'analyse historique, et l'Allemagne n'a pas voulu la guerre. Hitler a mis en place une politique extérieure qui était une politique de coup de bluff, et puis bim, il y a eu un moment où les coups de bluff n'ont plus marché. Et si vous voulez, ce que l'on est en train de montrer ici pour les relations internationales et la diplomatie est vrai pour ce champ extrêmement labouré qu'est celui de la prise de décision de la solution finale. Vous diriez à un Allemand du début du siècle, allons-y, allons avant Hitler, mais c'est Georges Moisset qui racontait ça. Dites à un Allemand du début du siècle qu'un jour, dans les 50 prochaines années, un membre d'une nation civilisée va tenter d'exterminer les Juifs. Cet Allemand vous aurait répondu oui. les Français et les Russes sont capables de tout. Et si vous voulez, pour quelqu'un qui observe la politique allemande en 1934, ce qui va se passer à partir de, disons, l'hiver 1941 est alors, à ce moment-là, impensable. Hein. Les historiens fonctionnalistes ont bien montré que c'est un enchaînement de décisions qui intervient entre 1938, disons, et le 20 janvier 1942, qui explique la prise de décision de l'extermination des Juifs en leur entier en Europe, et qu'il y a encore d'autres décisions ensuite qui vont radicaliser encore cette décision génocidaire. Donc la réponse est non, ça ne pouvait pas être dans le livre. Non, ça n'est pas dans le livre. Alors, dans sa phase d'écriture, Hitler a beaucoup lu, je ne sais pas quelles sont ses inspirations, vous le savez, vous ? On arrive à faire un travail, un travail, de, disons, philologique qui permet de voir à peu près ce qu'en effet il a lu, et il a, ce qui est très intéressant, c'est qu'il essaye de faire savoir qu'il lit. Hein, l'une des citations les plus connues d'Hitler, c'est « je lisais beaucoup, et ce, intensément », et viennent ensuite, si vous voulez, un certain nombre de lieux communs de la littérature littérature pan-germaniste, qui fonde ce livre en fait quelque chose dans lequel en effet on voit apparaître, c'est un instrument de circulation d'une grande partie de la littérature d'extrême droite de l'époque. A-t-il écrit autre chose ? On a dit qu'elle avait écrit un deuxième livre, mais sinon ça a été fondu dans le même, hein, Mein Kampf. Oui. A-t-il écrit autre chose, Hitler ? Écoutez, à notre connaissance. À part des discours, hein. Non, non, et puis il n'écrivait pas. Au fond, il n'aime pas écrire. C'est un homme de l'oralité. Ça se sent d'ailleurs dans la façon dont est composé Mein Kampf. Et non, il n'a rien écrit d'autre. Christian Grau, est-ce que le chancelier Hitler a fait le succès du livre Mein Kampf, ou est-ce que c'est Mein Kampf qui a fait d'Hitler un chancelier ? La réponse, elle est très claire. Le livre se vend extrêmement mal dans les années 1924-1929. En 1930, entre 1930 et 1929 et 1932, le NSDAP devient un géant électoral en quelques années. Et les progressions de la vente du livre suivent le succès électoral. Et donc, ça n'est pas le livre qui a fait le chancelier. Alors, il y a un paradoxe également, enfin, un paradoxe apparent, mais l'historien saura le décoder. C'est que Hitler ne voulait pas que son livre soit vendu en France. Et il disait parce que, justement, il y a une charge forte contre la France. Donc, quoi, il avait peur de ses propres dessins ? Il n'avait pas peur de ses propres dessins, mais il jouait une politique, politique de pseudo-apaisement vis-à-vis de la France, et il pensait que la publication de Mein Kampf, telle qu'il l'avait écrite, était contre-productive dans ses propres plans. Et donc, il était bien mari quand Sorlo a édité cette version-là, et il a par contre autorisé la version de Fayard, qui était une version complètement expurgée, voilà, de critiquer de pire contre la France. Voilà, c'est ça. Et ses menaces, d'ailleurs. Parce oui, que, tout à fait. Critique assortie de menaces, évidemment. Après la capitulation allemande et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, le livre a survécu, on l'a dit. On va écouter une archive ensemble. C'est un extrait de documentaire Mein Kampf, c'était écrit, d'Antoine Witkin, auteur également d'un livre passionnant sur le sujet. Dans cet extrait, vous allez l'entendre, un chercheur allemand parle de la réaction de sa grand-mère après la capitulation. Ma grand-mère avait ce livre sur une étagère. La première chose qu'elle ait faite, après la chute, c'était de l'envelopper dans des feuilles de papier huilé et de l'enterrer dans le jardin. Personne ne savait s'il fallait le jeter ou le garder, car on avait le sentiment que c'était un texte délicat. Alors la plupart des gens l'ont caché quelque part, et c'est exactement ce qu'on fait avec les objets délicats. On ne les détruit pas, on les cache et on les conserve en secret. On estime le nombre d'exemplaires de Mein Kampf en Allemagne à la fin de la guerre à 12 millions d'exemplaires. Mais est-ce qu'il a été lu par autant de personnes ? C'est très difficile de répondre à votre question. On sait que c'est un livre donc qui a été très diffusé. On suppose qu'il a été, disons, feuilleté par beaucoup de gens, mais lu en entier, c'est quand même un tel pinsomme que il est bien difficile de croire que les paysans de l'odeur se sont infligés une cette telle aventure. Alors ces dernières années, avant que les droits du livre tombent dans le domaine public, de nombreuses polémiques ont éclaté, notamment en Allemagne. Mein Kampf est-il toujours un objet qui inquiète les autorités politiques ? Parce que c'est là, on est dans la question d'assumer l'histoire, d'assumer son histoire, et pour les Allemands, c'est pas facile. Évidemment, et c'est pas facile, mais instrument de ça, quoi. Ouais, c'est pas facile, mais il y a quand même, c'est quand même l'Allemagne est quand même le pays qui, à mon sens, a fait l'effort le plus intense, le plus continu pour assumer son histoire, et on peut lire les efforts du Land de Bavière comme une sorte de symptôme de tout cela. C'est-à-dire que le Land de Bavière s'est donné pour mission d'empêcher toute diffusion de ces idées-là. Mais il y a quand même malgré tout, à la fois chez cette grand-mère dont parlait votre dernière archive, et tous les gens dont vous êtes en train de penser, une certaine fétichisation du texte. Hein. Tout se passe un peu comme si Mein Kampf était une sorte de nécromicon, et que si on le touche, on a une petite moustache qui nous pousse. Bref, les gens réagissent un petit peu comme ça. Et malgré tout, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, quand on ouvre le texte, sa force de conviction est quand même extrêmement faible, extrêmement faible. Mein Kampf peut être acheté par des gens qui sont déjà nazis, déjà radicaux, déjà d'extrême droite, etc., etc. Mais je doute vraiment qu'on puisse se convertir en lisant cet ouvrage très pato. Certes. Alors en France, malgré l'existence et la vente de l'édition de Sorlot, l'annonce d'une republication avec une version commentée a donc été source de débat. Alors si c'est Jean-Luc Mélenchon qui a finalement allumé la mèche, la controverse est également présente au sein de la communauté des historiens. On va écouter une deuxième et dernière archive, extrait d'un débat organisé sur le sujet au cours de l'émission Le Nouveau Rendez-vous de France Inter, le 29 octobre 2015, oui, c'est tout récent, dans lequel s'oppose l'historienne Annette Wierworka et Sabrina Goldman, avocat et vice-présidente de la LICRA. Moi, je crois qu'on se trompe complètement sur la question de ce livre-là. C'est un livre de 700 pages, c'est un livre indigeste. Si vous lisez l'interview d'Olivier Manoni dans Le Point, qui a fait la nouvelle traduction, il vous expliquera. Et c'est un livre que les gens vont acheter, pas du tout pour le lire, mais pour avoir Mein Kampf chez eux. On est dans le cadre de ce genre de choses qui sont des sortes de comme des reliques. Et il y a un certain nombre de livres. Bon, je pense à un livre que j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, qui est le Petit Livre Rouge de Mao Tse-Tung. C'est-à-dire on est dans le cas de ces livres qui comptent plus parce qu'il représente que parce qu'il y a à l'intérieur. Sabrina Goldman, justement, vous nous dites que la lecture est indigeste. Si la lecture n'est pas attractive, le risque, justement, à mon sens, si on est dans l'interdiction, c'est au contraire en interdisant qu'on sacralise. Et que, au contraire, il y a un travail, justement, de considérer qu'il faut, promouvoir qu'à tout le moins, promouvoir qu'il y ait un encadrement, des commentaires, effectivement, scientifiques, pédagogiques, et au lieu de laisser ça, effectivement, à ceux qui pourraient s'en saisir à des mauvaises fins, eh bien, d'être présent sur ce terrain-là, et justement, s'en servir pour dénoncer et dire, voilà, c'est l'histoire, c'est ça, des thèses racistes. Alors, on remarque aussi dans l'histoire contemporaine que c'est un certain nombre de psychopathes arrivés au pouvoir dans un certain nombre de pays ont aussi écrit. Alors, quelquefois, c'était même lecture obligatoire. Je pense notamment à Enver Hoxha en Albanie, où il est absolument obligatoire de lire son livre sous peine de je sais pas quoi, mais de répression, probablement. Et même chose en Corée du Nord. Alors, donc ce débat, le cœur du débat aujourd'hui, Mein Kampf. La lecture de Mein Kampf doit être assortie, on va dire, d'un outil pédagogique, hein. Ça a été votre position pour répondre à celle de Mélenchon, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors moi, Jean-Luc Mélenchon a fini donc par me convertir à l'idée de la traduction. J'étais très partagé. Les positions des historiens sont très labiles, très ductiles sur ce genre de choses. Au départ, moi, j'étais non pas opposé au fait de le faire, mais j'avais pas envie de le faire moi-même. Je trouvais ça, c'est un travail extrêmement coûteux en termes de temps, d'énergie, etc., etc. Et j'ai autre chose à faire que de publier Mein Kampf. Il n'en reste pas moins que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon m'a convaincu qu'il fallait absolument le faire et que il fallait fournir aux classes moyennes cultivées, au moins parce que c'est eux qui vont acheter le livre, il faut fournir un texte de Mein Kampf bien traduit et pas traduit comme l'ont fait les deux polytechniciens méritoires qui ont employé Sorlot, mais bien traduit avec des notes de bas de page qui pointent à la fois les sources d'inspiration conspiration, les non-cohérences internes du texte, les mensonges, les fantasmes, et bien sûr aussi toute la question de toute la l'information qui manque à un lecteur français qui ne comprend pas tout ce qui peut se passer dans ce texte. Hein. Donc on a fini par faire ce texte, mais ce que je voudrais dire, c'est que les termes du débat omettent malgré tout de dire qu'il y a une véritable plus-value, si ce n'est de science, du moins de diffusion, dans le fait de mettre en place des notes de bas de page. On ne lit pas tout à fait Mein Kampf de la même façon quand on le prend sur Internet et quand on a à sa disposition la superbe édition de l'Institut de Zeitgeschichte. Hein. C'est on apprend énormément de choses en le faisant, et on apprend aussi et surtout, me semble-t-il, à désacraliser le texte, à montrer que précisément ça n'est pas un écromicon, ça n'est pas un texte doté d'une magie noire, mais bien un texte très pato, et les notes de bas de page deviennent nécessaires pour arriver à le comprendre. Mais ça veut dire aussi qu'on en fait une exception, parce qu'après tout, on pourrait comme ça mettre des outils pédagogiques sur un certain nombre de livres qui ont proposé quand même des modèles de société ou qui ont appelé à la guerre et qui sont aussi dangereux. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi celui-là on en fait une... Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois bien ce que vous voulez dire, vous, mais... Je pense que il vaudrait mieux réfléchir en termes d'alternatives. À quel autre livre devrait-on consacrer autant d'énergie ? Le petit livre rouge de Mao, je pense que ça serait en effet une bonne solution, mais le petit livre rouge, ça serait sans doute beaucoup plus compliqué, parce que dans le petit livre rouge, il y a un vrai travail marxiste théorique qui est encore à l'heure actuelle utilisé par un certain nombre de spécialistes, notamment des spécialistes des sciences sociales de la guerre. Et donc je pense que ça serait un tout autre travail, et ça ne serait pas la même chose. Il y a malgré tout une spécificité de ce texte, hein, du texte de Mein Kampf, qui fait que malgré tout, je pense que ça vaut la peine de faire ce travail. Quel volume représente moi, ce que j'appelle cet outil pédagogique, hein, par rapport au livre ? Quel volume c'est... Pas précisément, je veux dire, mais quelle quantité, c'est quoi ? C'est d'abord un grand texte. Comment ça se passe ? Dans l'édition allemande, le texte est présent simplement sur le recto, ouais. Côté droit. Le verso, donc la page de gauche, est occupée par les notes de bas de page. Sur la page de recto dont je viens de parler, les deux tiers du volume est alloué au texte, et le dernier tiers, est alloué à des notes qui sont des notes plutôt philologiques. Donc vous avez, en gros, si vous voulez, quatre tiers du livre c'est les notes de bas de page, et deux tiers c'est le texte original. Ça, c'est en version c'est la version allemande. Les versions françaises, alors? Écoutez, c'est un peu trop tôt pour vous le dire. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'en sommes qu'au troisième chapitre, hein, et ce sera à peu près le même volume. Bon, sorti quand, à peu près? Quand on sera encore, si on est encore vivant, en 2019 ou 2020. Ah, oh bah dis donc, on sera encore vivant. Enfin, on l'espère. C'est dans 3 ans. Dernière chose, dans de nombreux pays, le livre est en vente. Certaines republications remportent un certain succès. C'est notamment le cas dans des pays comme l'Égypte, la Turquie, l'Inde, notamment. Comment vous expliquez ce succès ? Alors là, je suis incapable de répondre à cette question-là, parce que je pense c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Il faut être spécialiste de ces sociétés-là pour comprendre. On sous-estime toujours la très forte altérité de ces sociétés. Je vais juste vous donner un exemple. Il arrive à des gens en France de se déguiser en petit garde rouge lors de carnaval, ouais, etc., ouais. etc. Et en Chine, par contre, on produit des tapis de souris avec dessus Hitler, qui est déguisé en Kentucky Fried Chicken, et c'est marqué Hitler's Fried Chicken. Nous, ça nous révulse absolument de voir un truc comme ça. Eux, ça les fait marrer. Bon, voilà. C'est une autre façon de voir les choses. Merci, Christian Ingrao. Merci infiniment pour vos éclairages. Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, le livre Mein Kampf, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire Gary Ajar.